TECK 2011. Parce qu'un sourire vaut bien plus que 1000 paroles. Parce qu'un sourire vaut bien plus que 1000 paroles. Le voir sur mes parents, c'est tout ce qui m'importe. Je peux pas rapper n'importe comment, car ouais j'ai changé, pas juste d'appartement. Les proches m'entourent et c'est à eux que je pense. Nostalgique depuis l'enfance. Dur de savoir ce que j'aurais fait sans eux. J'ai toujours dit au revoir, détesté les adieux. Les larmes ne coulent pas mais les émotions se ressentent. Tous différents mais les douleurs se ressemblent. Pense à l'avenir quand l'immédiat te tente. J'écris tant d'heures car mes péchés me hantent. Pas un modèle malgré mon écriture soignée. J'ai longtemps cherché l'amour pour le trouver dans des poignées. Encore un sujet sur lequel il ne faut pas s'étendre. Dur de savoir si on n'est pas juste passé devant. C'est pour les miens, pour ceux qui se reconnaissent. Pas surpris car ici les gens se connaissent. Les gens qu'on aime sont rares mais sont précieux. Plus des mômes, l'âge a fait de nous des messieurs. C'est pour les miens, pour ceux qui se reconnaissent. Pas surpris car ici les gens se connaissent. Les gens qu'on aime sont rares mais sont précieux. Plus des mômes, l'âge a fait de nous des messieurs. Les temps changent et je vois les miens grandir. On ne gagne pas au change en jouant les bandits. J'vois des projets à moyen terme, t'as fait à part. Vu la mise de départ, ça veut des moyens fermes. J'suis fier de mes proches quand je vois ce qu'ils deviennent. Ma réussite c'est la vôtre c'est donc la mienne. Tout n'est pas joué d'avance, il ne faut pas croire. La vie un long fleuve tranquille, entrecoupé de longues cascades. J'vois le chemin parcouru, tout me semble si lointain. Que ce soit la cour d'école, les remarques des profs, attendant conseil d'école pour voir le sourire des proches. Je repense à mon vécu et me dis qu'hier c'est loin. On en a pris du plaisir et ça c'est l'essentiel. Les soirées en vélo, l'alcool était l'essence même. Trop de souvenirs que je ne pourrais te raconter. Vis ta vie, ici-bas les heures sont comptées. C'est pour les miens, pour ceux qui se reconnaissent. Pas surpris car ici les gens se connaissent. Les gens qu'on aime sont rares mais sont précieux. Plus des mômes, l'âge a fait de nous des messieurs. C'est pour les miens, pour ceux qui se reconnaissent. Pas surpris car ici les gens se connaissent. Les gens qu'on aime sont rares mais sont précieux. Plus des mômes, l'âge a fait de nous des messieurs. C'est pour les miens, pour ceux qui se reconnaissent. Pas surpris car ici les gens se connaissent. Les gens qu'on aime sont rares mais sont précieux. Plus des mômes, l'âge a fait de nous des messieurs. C'est pour les miens, pour ceux qui se reconnaissent. Pas surpris car ici les gens se connaissent. Les gens qu'on aime sont rares mais sont précieux. Plus des mômes, l'âge a fait de nous des messieurs. C'est pour les miens, pour ceux qui se reconnaissent. Pas surpris car ici les gens se connaissent. Les gens qu'on aime sont rares mais sont précieux. Plus des mômes, l'âge a fait de nous des messieurs. C'est pour les miens, pour ceux qui se reconnaissent. Pas surpris car ici les gens se connaissent. Les gens qu'on aime sont rares mais sont précieux. Plus des mômes, l'âge a fait de nous des messieurs.